106.3 FPP, la jungle des luttes. Merci, Angel, d'être avec nous. Donc, gracias por estar con nosotros, Angel. On profite de ta venue en Europe pour te rencontrer, puisque tu étais déjà en Europe avant de venir hier invité par le CSIA. Entonces, te encontramos porque ya estás así haciendo un viaje en Europa y pudimos encontrarte ayer en la jornada organizada por el CSIA. Entonces, tal vez primero nos puedes explicar a qué viniste y también recordar, después lo platicaremos, recordar a los que están aquí que te encontramos ya en el viaje por la vida cuando viniste con otros compañeros del CNI y de los compas zapatistas hace 2 años ya. Entonces, gracias por estar con nosotros. Donc, justement, on va demander à Angel de nous expliquer ce qu'il est venu faire en Europe, sachant qu'on l'avait déjà rencontré lors du voyage pour la vie quand il était venu, donc il y a 2 ans déjà, avec d'autres compagnons et compagnonnes du CNI et des zapatistes. Donc, à l'occasion de ce voyage pour la vie. Donc, on va lui demander ce qu'il fait pour, sachant qu'il y a une situation, évidemment, on l'a déjà dit à plusieurs reprises au Mexique, de violence et une attaque par tous les fronts, entre notamment, justement, surtout des méga-projets qui détruisent les terres, les territoires et les peuples. Entonces, sabemos que, ya lo repetimos varias veces, que en México la situación está muy complicada, violenta, también... que los pueblos están agredidos por los múltiples megaproyectos y entonces vamos a hablar entonces contigo de lo que estás pasando y a qué viniste. Gracias, te escuchamos. Muchas gracias por esta entrevista. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en Slumilkanshekop, en la Europa insumisa, como fue bautizada por los compas zapatistas en lengua tzeltal. Muchas gracias por esta invitación. Merci pour cette invitation et pour cette entrevue. Je suis très heureux d'être de nouveau ici à Slumilkanshekop, qui est donc l'Europe, la terre insoumise, comme l'ont dit les compagnons zapatistes lorsque nous sommes venus pour le voyage pour la vie. En esta ocasión me encuentro en estas tierras lejanas de mi hogar, de mi territorio, porque estoy en una formación de derechos humanos y de capacitaciones para defensores de derechos humanos de todo el mundo y estoy en una estancia en Países Bajos. Et en fait, ce qui fait que je sois ici, loin de mon peuple, c'est que je participe à une formation sur les droits humains, sur une formation pour les défenseurs des droits humains qui se tient actuellement aux Pays-Bas. Y coincide también con una gira que están realizando unos compañeros y compañeras del CNI y de la Organización de Derechos Humanos FRAIBA, aquí también en este territorio, y bueno, nos hemos cruzado en el camino. Et j'ai eu aussi le plaisir d'avoir pu rencontrer aussi une autre délégation du Congrès national indigène et du Centre des droits de l'homme Freibach qui font actuellement une tournée en Europe et c'était très émouvant de les rencontrer ici en terre insoumise. Y específicamente en París, estoy por la invitación del CESIA para el evento que organizaron de solidaridad con los pueblos indígenas de las Américas. Et si je suis venu à Paris, c'est parce que j'ai accepté de participer à l'événement organisé par le CSIA dans le cadre de la journée de solidarité avec les peuples indigènes autochtones des Amériques. Merci. Entonces, en preciso, entonces allá platicaste un poco de lo que está pasando en la región donde vives. Y si nos puedes explicar un poco en qué situación están las comunidades en esta región. Yo soy parte del pueblo maya que se encuentra en la península de Yucatán, en el sureste de México, y continuamos enfrentando muchos megaproyectos, pero el principal que los articula a todos es el mal llamado Tren Maya. Donc je fais partie d'une communauté maya qui est dans le Yucatan. Et en fait, dans notre, nous faisons face à plusieurs méga-projets qui menacent notre peuple. Mais le principal actuellement, c'est le projet qu'on appelle Tren Maya, le train Maya. Este megaproyecto parece imparable porque no hemos logrado detenerlo a pesar de todos los esfuerzos jurídicos, políticos, mediáticos y sociales. Continúa avanzando y a su paso continúa con la destrucción del territorio. Et malgré toutes les actions que nous avons entreprises, qu'elles soient juridiques, sociales, etc., nous n'arrivons pas à arrêter ce projet qui continue à avancer en détruisant notre terre et territoire. Primero, en la situación de la naturaleza, la situación del medio ambiente, es que en los últimos meses se han deforestado 400 kilómetros de selva. Sur le point spécifique de la nature et de l'environnement, il faut se rendre compte que dans les derniers mois, ce sont plus de 400 kilómetros de forêt qui ont été rasés. Se han destruido arrecifes porque se ha traído piedra desde otros países como Cuba por el mar para ponerlos en las vías del tren. Il y a eu aussi des contaminations en fait avec des pierres qui ne sont pas endémiques qui ont été ramenées de la mer notamment autour de Cuba. Y todas estas acciones de construcción del tren que destruyen la naturaleza no tienen los permisos ambientales, es decir, cada uno de esta destrucción forma parte de violaciones a los derechos de la naturaleza. Et en fait, il faut se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas eu d'études d'impact et en fait, ça viole toutes les normes en fait dans la protection de la nature et ça met en danger la nature même et l'écosystème. Me gustaría contarles sobre el veredicto del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, el octavo tribunal, que en marzo pasado tomó el caso, hizo un análisis completo del megaproyecto. Laissez-moi vous parler de ce qui est sorti en fait du Tribunal International des Droits de la Nature qu'il y a eu en mars dernier et qui a donné des conclusions sur l'impact de ce projet sur la nature. En el mes pasado, en septiembre, dieron su veredicto y establecieron que se está cometiendo un ecocidio en el territorio maya y también un etnocidio. Et en septembre, ils ont rendu leur conclusion, la décision du tribunal, et il est reconnu que ce méga projet Tren Maya fait un écocide, mais aussi un ethnocide du peuple maya. Y le exige al gobierno mexicano detener este megaproyecto. Et ils ont exigé au gouvernement mexicain d'arrêter ce méga projet. Pero sabemos que estos tribunales civiles, que son muy importantes en el mundo, no le exigen de manera obligatoria a México como Estado cumplir con estas disposiciones. Mais on sait bien que ces tribunaux civils, malgré leurs conclusions, ne peuvent pas imposer quoi que ce soit au gouvernement mexicain qui continue sa discussion. Pas moyen de contraindre les États, que no hay manera de imponer a los estados. Sí, y sin embargo, nos damos cuenta que es muy importante porque demostramos una vez más que lo que se está cometiendo en el territorio maya es totalmente desastroso para nuestro territorio, crimen. Para nuestro pueblo, un crimen para la naturaleza. Sí. Y efectivamente, en fait, c'est un crime permanent contre le peuple maya c'est un crime qui se perpétue. Et c'est important justement que ces verdicts sortent pour justement légitimer les actions de ces peuples. Pero lo que también quisiera compartirles y me gustaría poner mucho énfasis son los cambios en los aspectos sociales y culturales que estamos viviendo. Je voudrais mettre une emphase, mettre en lumière justement les impacts qu'il y a sur sociaux et économiques et culturels de ce méga projet sur notre peuple. Desde el anuncio del tren en el 2018 en mi comunidad han habido muchos cambios en cuestión de la criminalidad. En fait, depuis 2018 et l'annonce de ce projet, dans ma propre communauté, il y a eu une augmentation de la criminalité. Por ejemplo, se han instalado los cárteles de droga en las comunidades y en los territorios en donde antes no tenían presencia. Et par exemple, ça se concrétise par l'implantation des cartels de drogue dans nos communautés alors qu'ils n'existaient pas avant. Esto ha significado aumento en ejecuciones, desapariciones, asesinatos y una violencia por la disputa del territorio. Et ça a entraîné donc des disparitions, des exécutions, des choses qui n'existaient pas avant sur notre territoire. Et c'est justement sur un conflit sur la question de ce territoire, sur le pouvoir sur le territoire. Y esto tiene que ver con que el tren, el megaproyecto del tren, mueve la economía y entre ellas se mueve la economía criminal. Il faut donc souligner que ce projet de train, amène une nouvelle économie et notamment l'économie du crime. Lo que hemos vivido como ejemplo son las ciudades de Cancún, Playa del Carmen, que al crecer como centros turísticos, también crece la presencia de las diferentes organizaciones criminales. Par exemple, on peut voir exactement la même chose que sur autour de la ville de Cancún ou Playa Carmen, qui a fait en sorte que, vu l'essor, a amené les cartels criminels à s'organiser et à s'implanter. Entonces, esta situación que se vivía solo en las zonas turísticas, en las grandes ciudades, ahora con el avance de la construcción del tren, también va penetrando en los pueblos y en las comunidades rurales. Et en fait, la même chose qui est mise en place dans ces grandes cités touristiques, avec l'arrivée du train, c'est de ce crime organisé va s'implanter de plus en plus dans les zones rurales et dans les communautés. Entonces esto transforma la forma de vivir de nuestras comunidades, la manera en la que nos relacionamos cotidianamente con la gente y la forma en la que estamos acostumbrados a vivir y a relacionarnos con la naturaleza. Et ça va avoir un impact sur nous et notre mode d'organisation propre, également sur le mode de relation que nous avons entre nous dans nos communautés, mais aussi avec la nature. Porque es importante recordar que los pueblos mayas, los pueblos indígenas, buscan un bienestar, buscamos una vida digna, pero no necesariamente es el mismo modelo de desarrollo capitalista, urbanista, desarrollista. Nous, peuple maya, mais les peuples autochtones en général, cherchent à vivre en bonne entente, avec une... En toute dignité. En toute dignité. Et ce n'est pas ce modèle capitaliste que l'on veut nous imposer. Et ce mode de développement capitaliste que l'on veut nous imposer. Entonces, este tren y este megaproyecto significa la imposición de una forma de vida, de un modelo de vida que es ajeno y que es contrario a la forma propia de los pueblos. Et en fait, ce projet de tren va amener un mode de vie qui est contraire au mode de vie que vivent nos communautés au quotidien. Y esta imposición es una imposición violenta porque viene con el ejército, viene con las armas, viene con un deseo de concluir este megaproyecto sin tomar en cuenta la voz de los pueblos. Et en fait, ces changements, il est très violent, il est imposé par les armes, imposé par l'armée, la militarisation. Et tout ça, en fait, menace notre existence. Nunca como antes habíamos vivido una situación en la península de Yucatán de militarización como la estamos viviendo ahora. Nous n'avons jamais vécu une telle forme de militarisation dans la péninsule de Yucatán comme nous le vivons au jour d'aujourd'hui. Los militares son quienes están construyendo el tren. Les militaires, ce sont eux qui sont en train de construire le train. Y los militares van a ser los que se beneficien de las ganancias del tren. Eso se anunció desde un principio. Et en fait, ce sont les militaires qui vont avoir tous les bénéfices de la construction de ce train, et ça a été annoncé dès le début du projet. Los megaproyectos asociados al tren también se los están otorgando a los militares, como la construcción de aeropuertos. Et associé au train, il y a aussi d'autres mégaprojets qui sont dans cette construction du train et qui vont bénéficier aux militaires, notamment la construction d'aéroports. Y algo que nunca habíamos imaginado era que también los militares estén construyendo infraestructura turística, hoteles y casinos para financiarse ellos mismos. Et nous n'avions jamais pu penser ce que l'on voit aujourd'hui, l'armée est en train de construire des hôtels, des casinos, des complexes touristiques pour financer ce méga projet. Es decir que los soldados se están construyendo. C'est-à-dire que je lui pose la question de savoir, ils construisent vraiment de leurs mains, con sus manos. Sí, sí, los tienen ingenieros, contratan a otras empresas, pero ellos son los encargados. La SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional, tiene a su cargo todas estas obras. Effectivement, comme c'est le secrétariat de la Défense nationale qui est impliqué dans tous ces projets, que ce soit la construction en tant que telle par l'armée ou des contrats qui sont passés avec d'autres entreprises privées pour construire ce méga projet. Y además de lo que representa en el poder económico, esta fuerza que tienen los militares, el impacto en las comunidades es lo más grave porque representan intimidación, amenazas y limitan desde luego la organización para la defensa. Et donc en fait tout cela impose aux communautés des menaces, des intimidations au quotidien puisque c'est l'armée qui est derrière tout ce projet. Hay un pueblo pequeño que se llama Paraíso Nuevo que está tomado por los militares. El parque del pueblo está tomado por los militares. Porque ahí hubo una protesta que detuvo la construcción del tren de la gente que estaba exigiendo el pago de sus tierras. Y en fait, par exemple, dans une communauté qui s'appelle Paraíso Nuevo, Paradis Nouveau, c'est carrément la communauté ou une partie de la communauté qui a été prise par l'armée, notamment le parc central de la communauté qui a été confisqué par l'armée. Par l'armée. Esto es para nosotros muy grave. Es una comunidad de 500 habitantes en la que los niños ya no pueden salir al parque porque está ocupado por el ejército, por un campamento de soldados. Et en fait, cette communauté a été prise par les soldats parce que précisément cette communauté s'est opposée au projet. Mmh. Et donc, ça, effectivement, ils apeurent les enfants notamment et ils intimident. Notamment parce que les enfants ne peuvent plus aller au parc comme ils y allaient. Et donc, ça, c'est une peur quotidienne en fait aussi pour les enfants qui ne peuvent plus sortir de chez eux. En el desalojo de la protesta de esa comunidad, dos personas fueron encarceladas. Ahora están libres, pero siguen un proceso judicial por un delito federal, que es algo considerado como grave. Et donc, dans cette communauté, il y a deux personnes qui ont subi la répression, qui ont été arrêtées. Même si elles sont sorties de prison aujourd'hui, elles font toujours face à des charges criminelles et doivent passer en procès. Et ce sont des charges criminelles fédérales, donc ça veut dire que ce sont des charges criminelles graves. Acciones muy graves han sucedido en ese pueblo. Por ejemplo, un habitante pasaba por la comunidad y un soldado le amenazó con su arma, ¿no? A modo de juego, ¿no? Pero eso es algo muy grave que está pasando en las comunidades donde están presentes los soldados. Il y a encore un exemple de cette répression et de cette pression des militaires. Quelqu'un qui ne faisait que traverser le village, un militaire a sorti son arme et l'a menacé juste pour s'amuser. Ce sont des faits qui sont très très graves puisque en fait c'est une répression qui est perpétuelle. Para quienes vivimos en la península de Yucatán, la presencia militar es nueva, a diferencia de otros estados de México, del país. Esto nos alarma mucho porque sabemos la gravedad de violaciones a derechos humanos que han cometido los militares en otros lugares. La presencia militar en la península de Yucatán es assez récente, en fait, contrairement a d'autres parties du Mexique. Et donc, en fait, ce qui est inquiétant, justement, c'est de, sachant toutes les actes qu'ont commis les soldats, toutes les violations des droits de l'homme, forcément, ça ne peut que nous alerter et nous inquiéter sur ce qui est en train de se passer. Sí, hay que recordar que el ejército tuvo participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por poner un solo ejemplo. Et il faut se souvenir que l'armée a été responsable de la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa, pour ne citer qu'un exemple. Y en los lugares donde hay más presencia militar, el crimen no disminuye, al contrario, aumenta. Et il faut souligner également que là où il y a la présence militaire, au lieu le crime organisé ne régresse pas, et à contrario, il ne fait que de s'accentuer quand les militaires sont implantés. Entonces, los pueblos mayas nos preguntamos qué es lo que viene en la península, que hay un interés muy grande en tener un control militar en toda esta región, con bases militares, puertos militares y una mayor presencia de soldados. Et pour nous, le peuple maya, on est très inquiet de voir cette implantation qui est en train de s'accentuer avec la mise en place de bases militaires, de ports militaires, d'aéroports. Tout ça, c'est quelque chose qui nous fait peur et que nous suivons au quotidien. Y esto nos hace pensar que este megaproyecto del tren, que se conecta con otros megaproyectos como el corredor interoceánico en el sur de México, pues son una frontera también militar. Et pour nous, ça nous fait penser que le projet, le mégaprojet Train Maya, mais aussi en connexion avec d'autres mégaprojets comme le corridor transocéanique du sud du Mexique, font en sorte qu'ils sont en train d'établir une nouvelle frontière, une frontière militaire dans le sud du Mexique. Sabemos que este megaproyecto y el corredor interoceánico, es decir, todo el sur sureste de México, pues también es una frontera para frenar la migración de los hermanos y hermanas centroamericanas hacia Estados Unidos. Y en fait, donc ces deux megaprojets, Tren Maya y puis le corredor transocéanique, son une nouvelle frontière afin de stopper les frères et sœurs qui sont encore plus au sud et qui essayent de remonter, de migrer. Entonces, continuamos nosotros tratando de visibilizar el avance de estos megaproyectos y el avance ilegal. Es decir, no solamente están violando derechos de los pueblos indígenas, sino normas mexicanas, y el gobierno no parece tener la voluntad de escuchar a todas las voces. Nous essayons de mettre en lumière le fait que tous ces méga-projets vont à la fois être des méga-projets qui vont à l'encontre des droits humains, mais pas seulement, mais aussi de la législation même du Mexique, de l'État du mexicain, et qui, État mexicain qui laisse faire les violations au quotidien du droit. Hay que recordar que en el 2021, el presidente realizó un decreto

¿Qué? Digan cuál independencia, digan cuál revolución. Si seguimos ajustados a un proyecto de nación que mientras más avanza, más nos quita libertades. Nuestros derechos se esfuman, ¿dónde están las equidades? Campesinos piden tierras, no modificar la ley. Que viva Zapata, el acuerdo de San Andrés. Hay quien trabaja y no come, eso es lo que quieren ver. Gente rica y holgazana muere de tanto comer. Ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni López Obrador. Tampoco el imbécil de Felipe Calderón. Dan solución al problema, ese tema no lo entonan. Pero anuncian Vive México, la selva lacandona. Comerciales por la tele para que el turismo crezca. Agrícolas extranjeros para que el indio padezca. Seremos guerrilleros, narrando realidades. Como Lucio Cabañas, Marcos y Genaro Vázquez. Instituto del habla para mi gente guerrera. Magishari laico. Para la gente de Oventic. En los Aguascalientes, Caracoles y demás campamentos zapatistas. Que viva la guerrilla indígena. Seguimos en la lucha. Rap con sabor a México. Porque las tierras son para quienes las trabajan. ¿Quién? Preguntamos. ¿Quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién? Seguimos contigo, Ángel, gracias. On continue, on est toujours avec Ángel du Congrès National Indigène Mexique en tournée ici en France. Et donc, justement, face à toute cette situation, quedan los pueblos resistiendo. Entonces, tal vez puedes hablar un poco de lo que está pasando desde el lado de los pueblos. Et du coup, je dis, bon, voilà, avec toute cette situation, évidemment, il y a... Il y a les peuples en résistance et donc peut-être qu'il peut nous parler un peu de ce qui se passe, justement. Algo que aprendimos mucho durante la gira, escuchando a los compas nuevamente, a los compas zapatistas, es la importancia de la organización y de la lucha desde el pueblo, desde abajo. Ce que nous avons appris et écouté lors du voyage pour la vie avec les compagnons et compagnes zapatistes, c'est l'importance de la construction à la base de l'organisation au niveau des communautés. Au niveau des communautés à la base. Algo que nos han compartido en sus comunicados y en pues su palabra pública es la importancia del trabajo con los compañeros, con los vecinos, con la familia. Y eso es lo que estamos haciendo, porque esta lucha contra el tren es una lucha a largo plazo. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut travailler avec les gens qui sont autour de nous, avec notre famille, avec nos voisins. Et parce que, en fait, c'est des projets comme le projet Tren Maya, en fait, c'est quelque chose qui va nous affecter toutes et tous. Et que c'est une lutte, du coup, justement, à long terme et donc qui s'organise au quotidien. Sí, porque en la región donde yo vivo, que es Quintana Roo, la autonomía, el tejido comunitario organizado ha sido casi desmantelado, ¿no? Entonces, volver a tejerlo nos lleva tiempo, pero hay que hacer ese trabajo. Là d'où je viens, ou d'où je vis, le Quintana Roo, le concept d'autonomie et le lien traditionnel, etc., sont mis à mal et en fait existent très peu aujourd'hui. Et justement, nous devons les recréer en faisant ce travail de retisser les liens entre les différentes personnes. Et ce travail... se ha fortalecido a partir de este llamado zapatista de 2018 en el que nos invita a unir nuestras luchas, a conocer a otras luchas que están no solo en los pueblos indígenas, sino también están en las ciudades o son urbanas. Y esto en Quintana Roo nos ha servido mucho. Et en fait, pour nous, c'est ce qui nous a permis de commencer à retisser ces liens, ça a été l'appel que les compagnons apatistes ont lancé en 2018, et où ils disaient qu'il fallait absolument recréer des réseaux de solidarité, que ça soit entre nous, mais aussi avec les zones urbaines, et puis... Et s'unir ensemble pour lutter. Y el día de hoy, la resistencia, aunque no es como quisiéramos que sea, está más fortalecida que hace unos años. Entonces vemos que es el resultado de este trabajo organizativo de poco a poquito, pero que tenemos que hacer todos los días. La résistance est en train de s'organiser, ça avance de plus en plus, et on a besoin de travailler ces liens pour pouvoir avancer dans la lutte. Uno de esos esfuerzos fue la caravana El Sur Resiste que realizamos el pasado abril y mayo y que logramos recorrer todo el sur sureste de México. En los territorios donde están estos dos megaproyectos, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, y realmente pudimos conocer las luchas de los pueblos y unir y unificar las acciones. Et en fait, un des outils qui a été très important dernièrement, ça a été la mise en place de cette caravane Le Sud Résiste, qui nous a permis à lier en fait les deux méga projets Tren Maya et le corridor transocéanique. Donc les lier les différentes luttes, apprendre les uns des autres et donc se rendre plus fort. Y este movimiento del Sur Resiste, pues es un llamado a todo el Sur global. Para continuar articulándonos en la lucha. Et cette campagne que nous avons lancée après la caravane Le Sud Résiste, c'est une campagne globale où on demande aux personnes de s'organiser, de s'entraider contre ces méga projets. Y entonces el Sur Resiste como movimiento, el Tour por la Vida de hace ya 2 años, ¿no? Este viaje de los compas zapatistas al cual acompañamos una delegación del CNI, pues continúa caminando, continúa encontrándonos en diferentes territorios y es algo muy importante que ha dejado esta iniciativa. Donc la caravane Le Sud Résiste qui a donné la mise en place d'un mouvement, en fait d'une campagne, va dans le sens de ce qui s'est passé avec le voyage pour la vie des apatistes et qui a eu il y a 2 ans. Et c'est un peu une continuation perpétuelle et la mise en place de ce mouvement d'organisation et de résistance. Et donc justement ce voyage pour la vie auquel le CNI était invité à participer justement. Entonces, a lo mejor puedes decir tú también de lo que viste en viajando a Europa. Entonces, ¿entendiste encontrando los zapatistas día, por meses? Entonces, ¿entendiste lo que proponía los zapatistas, pero viajando a Europa, si no aprendiste en términos organisativos, a lo mejor aprendiste algo de lo que viste en Europa. Je lui proposais de éventuellement nous dire ce qu'il avait pu voir indépendamment de ce qu'il a appris, enfin ce qu'il vient de nous expliquer, le fait qu'il a appris des zapatistes et de cette nécessaire organisation depuis en bas et à travers ce partage qu'il a eu pendant les mois du voyage pour la vie. L'idée, ça aurait été de nous dire ce qu'il avait lui appris en ayant voyagé en Europe ou si c'était pas appris d'un point de vue organisationnel, peut-être au moins sur appris tout simplement de ce qui se passe en Europe, ce qu'il en retenait. Pues la gira por la vida ha transformado a cada una de las personas que participamos en ella, en lo personal, pero también en los procesos colectivos. Le voyage pour la vie, en fait, a amené un changement à la fois de toutes les personnes qui ont participé à ce voyage, un changement à la fois personnel, mais aussi au niveau collectif. para el CNI, después de la valoración colectiva que se hizo, consideramos que fue algo sumamente positivo para el fortalecimiento de nuestras luchas. Et pour nous, en tant qu'analyse du Congrès national indigène de ce voyage, on en a tiré le fait que ça a été une expérience extrêmement positive pour l'accompagnement et la continuité de nos luttes. Por una parte, hemos podido concretar acciones con grupos, con colectivos, con organizaciones de esta región, para dar continuidad a nuestras luchas. Et, par exemple, on a pu établir des modes d'action, des stratégies avec les gens ici que nous avons rencontrés, qui nous apportent du soutien dans le travail que nous faisons dans nos luttes. Pardon. Por otro lado, hemos encontrado ideas, sueños y muchas formas posibles de continuar trabajando juntos que poco a poco iremos concretando. Et en fait, nous avons rencontré des luttes, des rêves, des expériences, des idées, des alternatives qui font que l'on peut continuer à lutter ensemble sur le même chemin. Y también nos ha mostrado la realidad de nuestras propias organizaciones, porque ha sido un reto, como lo es la articulación, y el mostrarnos nuestra realidad nos permite dar un paso para continuar trabajando juntos. Et donc ça nous a permis aussi de créer de réaliser quel était l'état réel de notre organisation et donc de pouvoir justement réagir pour pouvoir continuer à fortifier cette organisation même. Y creo que lo más importante es que nos hemos encontrado con esa otra Europa a la que no conocíamos, porque hay toda una idea de Europa vinculada al desarrollo, vinculada al dinero, vinculada a esta idea que crea el mismo sistema para decirnos que nosotros somos subdesarrollados. Y encontrarnos con que hay una Europa de lucha es importante. Et donc pour nous, ça a été important aussi de rencontrer cette autre Europe, donc les gens qui luttent et en fait ça nous a changé aussi la perspective de la vision de l'Europe, puisque pour nous c'était une idée de l'Europe qui amenait des projets de développement, la financiarisation, et on s'est rendu compte qu'il y avait une Europe en lutte aussi. Y darnos cuenta que en Europa hay gente que se parece más a nosotros de lo que imaginábamos. Quizás. Et en fait, ça voulait dire qu'il existait des gens comme nous qui étaient en lutte et que nous on n'imaginait pas. Et qu'on n'imaginait même pas qu'il y avait ça en Europe. El color de nuestra piel a veces es diferente, nuestra estatura, nuestra apariencia, pero en el corazón y en la forma de vivir y de pensar somos muy parecidos. Nous avons peut-être une apparence différente, la couleur de la peau différente, mais on s'est rendu compte que, en fait, on avait dans le cœur et dans la pensée la même chose et en fait qu'on voulait vivre la même chose ensemble. Y que también estamos atravesando problemáticas similares. Los megaproyectos que están en nuestros territorios también están en estos territorios. Et on s'est rendu compte aussi que nous vivions la même pression que ces mégaprojets qui existent chez nous. On s'est rendu compte que ces mégaprojets existaient aussi chez vous. Y entonces, si somos similares, también podemos encontrar las maneras de articularnos y de trabajar juntas para poder enfrentarnos a este monstruo. Et si nous sommes similaires, il est important de nous rencontrer, d'apprendre afin d'établir des stratégies ensemble. Ouais, pour lutter contre ce monstre. Voilà, pour lutter contre ce monstre. Entonces, la gira por la vida creo que ha abierto muchas puertas, y nos toca a nosotros, entre todos, entre todas, tomar decisiones y ver para dónde caminar. Et ce voyage pour la vie nous a ouvert de nombreuses portes et ça nous a permis de prendre des décisions où aller et quel chemin prendre dans la lutte. La lucha sigue. Merci beaucoup, Angel, pour cet entretien. Et ben, on espère te retrouver prochainement encore avec nous pour continuer cette discussion. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que nos volveremos a encontrarnos para seguir platicando y compartiendo. Gracias. Merci pour la traduction. Gracias a todos.